la baisse des os pour me t'arrive en malin. Enfin, moi c'est tout le rap bas, ta fille, mais c'est pas ma chuchon, il m'en me plus, je chante bisou. Et moi j'ai ma puce de chaud, du bistro, mais tu me calme, mach. Mal rap, la sauce, la dynamo, russe, me tape, la charmante, la belle ouvre, et puis allez, l'on est, doré, fan, genre, rédif, le sang, la calé, j'ai sang, ma meuf, je sens, te tape, c'est fush. Ah, pas qu'on part des vignes, chauffe que loin, tâche rouge, tâche à peu bouche. Ah, tiens, ok, ok, ah, papa, et la pièce suivra, mais ne serait pas indigné, me trompe jolant. C'est le sale, ça ouvre le nom, mon loutou, mais il attend d'abord, oh, les feux de saint, pour que j'apporte le cap, il ne rêve pas, c'est un bon que j'apporte. Et par une épée, je l'ai par le moisique, j'allo, je sais, bonjour, il faut, je sais, quand moi, je traite, je dis ça, mais pas, il en vrai, reste ça, pour que ça, plus je passe, en plus je passe, non, c'est reculé, nègre. Range ta justice, laisse être un patron, ménage de mission, quelle massif, les pieds baillent. Si tu souffres, on est mal le vif, il s'avoue, tu les pis, la ta puce. Un os, un pis, la légitime, donc la ta, il est mal le justice, qui s'en va, rappelez si c'est même et un même gis, rêve le jour, pour vivre, allez, justice, elle est noire, moche. Rappelez-je que si, si c'est comme le drag, Brinat, normal, tout bouge, ce genre d'or, que les roues, les œufs, pour que nos traits mal, dis-moi les feux, j'ai que c'est, tire de nez. Une astrole, un rouge, on me hâte, mais mèche, nous se retraite, un arme, ma tête, un aide promise de nos écrétissants. Un tel arme, est-ce que tu vas me nos traits, mais nuit, et je me trompe, je renarde, mais me saisse, on veut le nom, mon loup, ou Brinat, notre âme, fort, on est bleu, c'est un mot que je apporte, donc, en fait, ce rêve, c'est un mot que je. Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme